Vous êtes à l'écoute de l'émission On The Rocks. On The Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On The Rocks, même à l'envers, On The Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992, www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un mette tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier à laisser vos merdes? Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm pretty good, I'm pretty good. Wow! On the road. Wow! Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars! Wouh! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Manu dans On The Rocks comme tous les lundis soirs ou presque de 19h à 20h30 sur le 96.2 de Radio Arc-en-Ciel, sur OnTheRocks.net, sur ZEF, en rediffusion, dans votre salon, dans votre baignoire, où vous voulez. Et je suis très heureux parce que ça fait partie de mes émissions préférées quand même, hein, je vous le dis, ces petites battles avec Monsieur Sylvain Trémaud des Sokoï Fever. Bonsoir monsieur. Bonsoir Manu. Donc tu n'es pas allé à l'investiture de Donald Trump juste pour venir avec moi? Oui voilà. C'était un dilemme jusqu'au dernier moment, mais finalement j'ai opté pour Radio Arc-en-Ciel. Écoute, c'est une belle preuve d'amitié. Eh bien, nous sommes là pour une battle avec un thème encore bien particulier ce soir, mais nous ne pouvions pas commencer l'émission, puisque je n'en ai pas parlé la semaine dernière, sans passer un petit morceau qu'on va se passer maintenant tout de suite dans l'oreille, et tu vas me dire ce que ça t'évoque, quoi. Bon, bah c'est parti. Oui, je connais. Oui. Connu le morceau, forcément, tout le monde connaît ça. Sam and Dave, 1967, groupe quand même légendaire et formidable, et Sam Moore vient de casser sa pipe et tout le monde s'en fout. Personne n'en parle, hein, ça en parle pas beaucoup. Mais tu vois, l'idée m'est venue deux secondes après que tu lançais le morceau, je me dis, oulala, c'est pas bon, ça, ça sent l'hommage, ça sent le sapin aussi. Ça sent le sapin. Ouais. Voilà, donc David Prater était mort, lui, depuis 1988. Et Sam Moore commençait à se continuer son petit bonhomme de chemin. Il était choriste de luxe un peu pour Bruce Springsteen sur certains morceaux. Mais alors Sam and Dave, bah voilà quoi, formidable quand même. Oui, bien sûr, Isaac Hayes à la production sur ce morceau. Stax, oui, c'était l'écurie Stax. Et Isaac Hayes était un des piliers de ce son à l'époque. Ouais. Voilà, vous êtes peut-être rentré dans leur morceau par les Blues Brothers, moi ça a été mon cas quand j'étais gamin, et puis après j'ai découvert Sam and Dave. Vraiment, je vous conseille d'écouter surtout les, bien sûr, les tout premiers albums de Sam and Dave. Là, ça c'est 67, ça sonne comme il y a pire comme année quand même. Ouais. Donc, nous y reviendrons à 67 tout à l'heure, avec Stax aussi. C'est le teasing. Ouais. Très bien. Car le thème ce soir, messieurs dames, alors d'abord il va y avoir mon petit coup de cœur, hein, parce que c'est moi le patron, mais le thème ce soir, ça va être, alors comment on peut appeler ça, surprise surprise, Kinder surprise, mon chéri. Surprise, moi j'ai mon chéri. Alors l'idée d'avoir un petit carré de chocolat avec un truc au milieu qui peut être très bon ou qui peut piquer un petit peu la langue. Ça peut être les doubichous aussi. Voilà. C'est possible. On va se passer une nouveauté qui est mon gros coup de cœur. Alors j'ai deux gros coups de cœur en ce moment. C'est l'album de King Anna. Je vais en diffuser pas mal dans The Rocks, qui est sorti, je l'ai un peu loupé, en milieu de l'année 2024, et qui est une merveille absolue. Et dans un autre style, cet album de Skex. Je sais pas si tu connais ça. Pas du tout. C'est pas le moment de confondre les queues, les gueux. Je sais pas qui a trouvé le nom, mais c'est pas le moment d'avoir des génies, cet homme. C'est pas le moment d'avoir des problèmes orthophoniques. Skex, avec un s'écrit S-K-E-G-2-S, c'est réduit à un duo, c'est un quatuor, c'est un duo maintenant. Ils viennent de sortir, je crois que c'est leur troisième ou quatrième album, je sais pas, j'ai pas du tout entendu les premiers. Mais alors, c'est d'une efficacité incroyable, c'est un mélange, on en reparlera peut-être dans un quiz bientôt, mais... Non, c'est pas sûr d'ailleurs, enfin on verra. C'est un mélange vraiment génial entre, comment vous dire... une sorte de power pop tranquille et un peu des Strokes dans ce qu'ils avaient de meilleur sur le premier album. Et puis la voix peut parfois faire penser, les deux derniers morceaux de l'album pourraient très bien figurer sur le Unplugged de Nirvana. Et en même temps, ils ont surtout cette capacité à avoir des morceaux, l'album on l'écoute une fois, on l'a dans la tête direct, et on remet au début et on connaît déjà les morceaux, quoi. C'est assez extraordinaire. Ça me fait envie. C'est très très bien. Alors on va se passer le morceau qui ouvre, c'est ça, qu'est-ce que j'ai fait? Non, je ne sais plus. Non, c'est pas le morceau qui ouvre l'album. En tout cas, bon, tout est bon dans l'album, il n'y a rien acheté, sauf la pochette qui est hideuse. Si, je crois que j'ai programmé dans le prochain quiz, la pochette est vraiment coloriée avec des feutres à la main, avec le pied même, je pense. Très très moche. Ça s'appelle Skex, j'ai pensé à toi, je pense que ça peut-être te causer cette histoire. C'est parti. Yeah. Ah, les mensonges de minuit. C'est un morceau qui clôt un album, et cet album, c'est celui des Sucker Fever. Et bah, le guitariste, producteur, compositeur, arrangeur de ce morceau. Et en face de moi, de l'autre côté de la vitre, c'est Sylvain. Bravo, monsieur. Merci. Une petite anecdote sur ce morceau. Pourquoi la fin de l'album? Pourquoi? Pourquoi la fin de l'album? Alors là, je sais plus. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Voilà. Après la chanson elle-même, oui, c'est lié à des certains souvenirs, certaines situations. Ouais. On n'en saura pas plus, ingénieur. Hein, non. Tu veux que je t'explique? Non, le truc. Non, Midnight Class, c'est une référence à des discussions qu'on peut avoir avec les gens qu'on croise dans les bars après les concerts, qui raconte un peu tout, qui voit un peu loin dans ce qu'il dit. C'est une façon de une espèce de quête d'absolu comme ça, quand les paroles sont un peu alcoolisées, voilà. Un absolu qui dépasse rarement 5 heures du mat, quoi. Voilà, et puis bon, le lendemain il en reste pas forcément grand chose. C'est joli, c'est un peu Cendrillon, quoi. Il y a cette idée là c'est un Cendrillon. Et puis la chanson fait référence à un film qui est un peu comme ça, où allez, on largue les amarres, on y va, mais c'est sans lendemain, quoi. Voilà. Comment s'appelle le film? J'ai oublié. Enfin, je trouverai, mais voilà, j'ai bien le film en tête, mais là, le titre m'échappe. Bon, ça reviendra. Ouais. Alors, un petit Sucker Fever, comment on dit, check. Est-ce que on vous en est tout? Alors, un petit, oui, voilà. En préparation, en tout cas, mais depuis tellement longtemps que voilà, on a enregistré les batteries à la fin de l'année. Je suis en train de faire le tri dans les batteries, de mettre en place tout ça. Les guitares sont terminées, les basses sont terminées. Il nous reste des voix à faire. Qu'on va faire dans le courant du printemps là avec Samuel, quelques voix leads, beaucoup de chœurs et d'harmonie. Et puis voilà, j'ai des trucs à faire, réamper les guitares, il y aura des clap, il y aura des tambourins, voilà. Je finis d'aménager une petite pièce chez moi pour faire ça. Ça va prendre du temps encore. J'aimerais bien que ce soit au moins la musique soit bouclée pour la fin de l'année. D'accord. Mixage ouais. Fin d'année, quoi. D'accord. Voilà, parce que je fais ça petit à petit. Donc peut-être 2026, quoi. Quoi, oui, l'album. Oui, 2026, ouais. Oui. Ouais, ouais. J'aimerais dans l'idéal de fin 2025. Ça risque d'être un peu short, mais c'est pas encore rappé, mais c'est un peu court pour fin 2025. 2026, ouais. Ouais. Bon. Eh ben on a hâte. Ce soir le thème, parce qu'on est là quand même pour la battle. Ce soir le thème, c'est surprise, ces petits morceaux qui a une surprise dedans, bonne ou mauvaise. Ouais. Entre parenthèses, la surprise avec Skeggs est vraiment phénoménale. Ah, super. Bah tout l'album génial. Est comme ça, ouais, vraiment. Super. Et on peut se dire tiens, à un moment ça va tomber dans le sirop. Ah, jamais. Donc vraiment écoute l'album, il est très très bien. C'est parti. C'est toi qui dégaine le premier. Avec un morceau qui me plaît beaucoup, qu'on a joué d'ailleurs à un moment avec mes camarades de Sucker Fever, d'un groupe mythique, The Remains. Je sais pas si ça te cause, toi, les Remains. Eh ben, ils en ont diffusé un morceau la semaine dernière, je crois, les Kinks, non? Ça m'étonne pas, oui. Oui, certainement, oui, bien sûr, oui. Les Remains, c'est une légende du rock, alors, affilié à la scène garage américaine des années 60. Ouais. C'est-à-dire la réplique à la British Invasion. Ouais. Un groupe un petit peu au-dessus du lot quand même dans la qualité de ses chansons, enregistrements. Les Remains, c'était un peu les Beatles américains, à tel point qu'ils ont assuré la première partie des Beatles. D'accord. Sur la fin de l'existence scénique des Beatles, donc ouais. 66. Ouais. Hein, les Beatles utilisaient la sono des Remains, pour te dire. Ah d'accord, ok. Hein, ils devaient avoir un papa, un parent qui s'y connaissait en électronique, ils avaient une super sono, les Beatles, waouh, super, on va jouer sur votre sono. Ouais, d'accord. Sachant que dans les conditions de l'époque, c'était vraiment pas terrible. Donc bah, voilà, un groupe pur style 60s, ce mélange de rhythm and blues, de pop, voilà, très... Ouais, très Beatles dans le fond. Hein. Ouais. Bon, c'est la seconde division en comparaison avec les Beatles, mais quand même il y a quelques moments de bravoure. C'est un groupe qui a pas duré très longtemps, qui a eu des reformations parce que voilà, qui est présent sur des compiles, etc. Et ce morceau qui est leur tube, Don't Look Back, qui est écrit par un certain Billy Vera que je ne connais pas plus que ça, qui était pas du groupe. Bon, morceau de pop un peu épique. Qui rappelle un petit peu Petite Blague des Stones, mais bon, enfin voilà, très bien écrit, assez sophistiqué dans l'écriture, enfin voilà, c'est pas juste les trois accords habituels. Et dans le milieu de cette chanson, surprise, d'un coup, on s'arrête, on remet tout à plat, et ça part dans un espèce de passage gospel, très Bodidley un peu, enfin voilà, très gospel. Et le morceau revient à la fin sur ce qui est, voilà, sa forme de départ. Voilà. Plaisir que je me fais. Bonne surprise. Très bonne surprise. Globalement, j'ai des bonnes surprises dans mon escarcelle ce soir. Ah, c'est vrai. Ouais, pas bon. Que, mais pas quand même. Don't look back. C'est maintenant. Ouais. On how life should be lived and things should be done. But I'm here to say you gotta do just what you want. And when they start of their talking, remember just one thing. Truth is the light. Truth is the light. The light is the way. Moi, je dis première division, pas bas de tableau, mais première division quand même. Ouais, c'était un groupe sérieux quand même. Ah ouais, non, vachement bien. Voilà. Ça vaut le coup. Ils ont fait quelques enregistrements. Il y a une compile qui regroupe un peu tout. Ça vaut le coup de découvrir les Ramones. Je vais aller jeter une oreille parce que je connais pas bien, à vrai dire, et ça donne envie. Première bonne surprise. Ouais. Bon, alors moi, comme d'habitude, je commence avec les Beatles, forcément. Tiens. C'était original. Tiré de l'album Abbey Road. Et donc, dernier album enregistré par les Beatles après le fiasco de l'enregistrement de l'album Let It Be, avec ses Play Get Back. McCartney a ramené tout le monde à la force de ses petits poignets. Il a dit, allez, on en fait un dernier avec George Martin, tout ça, voilà, vous connaissez l'histoire. Et donc, il y a un album qui est ce qu'il est, un album magnifique, Abbey Road. Et puis, il y a le final de cet album. Faut bien dire au revoir d'une certaine façon. Et donc, il a enregistré, il y a donc trois morceaux qui ont été enchaînés. Golden Sumblers, 1:30, où on va se passer les trois enchaînés parce que c'est difficile de les déchaîner. Avec McCartney qui avec son piano et sa sensibilité. Derrière, il y a Carrie Atwood où c'est le bon Ringo Starr qui vient de sortir un album de country la semaine dernière, qui n'est pas si mauvais. Et oui, j'ai failli le mettre ce soir, c'était presque une bonne surprise. Chante son petit Ringo Starr. Et après, voilà, il y a le morceau qui s'appelle The End, qui porte bien son nom. Et la surprise dans ce morceau, c'est qu'il y a des solos. Et les Beatles, c'est pas un groupe de solo. Le seul solo, les petits solos, il y en a par-ci par-là, Revolver un peu, Wild Maggie, Sergeant Kibitz, mais bon, des solos. D'abord un solo de batterie, donc un truc incroyable pour Ringo Starr, un petit solo de batterie non plus, ça dure pas 20 minutes. Et après, il y a les trois autres qui jouent des solos de guitare, chacun son tour, donc deux mesures McCartney, deux mesures Harrison, deux mesures Lennon, et ça trois fois. Donc si vous voulez savoir qui joue quoi, et tu vas prêter l'oreille et tu vas me dire qui s'en sort le mieux sur les solos. Est-ce que c'est McCartney? Ah, j'ai ma petite idée là-dessus. Bah on va écouter ça. pour le petit côté émouvant, c'est la dernière fois, cette prise, ce morceau, que les quatre Beatles ont joué en même temps, ah oui, au même, dans la, une même pièce. La Der Der. Et là, ça joue live et on sent qu'ils prennent plaisir à jouer et il y a un petit goût amer derrière les solos parce qu'ils savent tous, je pense, que c'est les derniers, quoi. Voilà. Donc ça s'appelle, d'abord Golden Stumblers, Carrie's That Way et après The End. Et tu me diras que ce que tu penses des solos. Les solos viennent juste après le petit solo de batterie de Ringo. Tu feras attention. Tu feras attention, tu seras attentif. C'est parti. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry. And I will sing a lullaby. I will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling. I will sing a lullaby. We'll be right back. chant du cygne. Oui. Ah, je ne t'entends plus, je ne t'ai pas monté le micro. C'est l'autre micro. Voilà, c'est ça, c'est cela même. Voilà, les petits solos. Ben, ça passe vite, hein. Ça passe vite, c'est vite, c'est rapide. Au début, je sais pas. J'étais sur une piste et puis finalement après je mettais en doute mon hypothèse, je sais pas. D'accord. Donc bon, moi je trouve celui de McCartney un peu plus tranchant. Bon, Lennon, McCartney, Harrison, voilà, puis Lennon derrière. Lennon, c'est le truc le plus. C'est le troisième avec la guitare un peu. Le plus confus. Ouais. Un peu. Voilà. Bon, des surprises, des solos. Bah oui, puis un morceau à tiroir, quoi. Toute la phase B d'Abbey Road, c'est ça en fait. Ouais. C'est un collage de morceaux. Ouais. Hein. Ouais. Donc, puis avec McCartney au baguette là, c'était lui le chef de. Ah, c'est pour ça que d'orchestre. C'est pour ça que ça joue pas mal. Ce soir, c'est surprise dans On The Rocks avec Sylvain Trémaud des Sokoï Fever, et c'est à toi de jouer, mon cher Sylvain. Blondie. Ah, très bien. Hein, tu aimes ce groupe? Bah oui. Mais moi, j'adore Blondie. Bah oui. Depuis ma prime jeunesse. Oui. Notamment cette chanson Denis, qui est leur premier tube, je crois. Voilà, un modèle de chanson blondiesque, c'est-à-dire très bubblegum, ce mélange de. Mais avec du chien. Avec du chien, exactement. Du bubblegum, ouais. Ou goût chien. Ouais, goût chien. Et mais quand je dis bubblegum, c'est pas péjoratif. Hein, non, bouche, ouais, c'est ouais, un ouais. Style. Enfin voilà. On est d'accord. J'ai du respect pour le bubblegum. J'entends bien, monsieur. J'entends bien. Et puis donc ce mélange à la fois bubblegum, cette candeur, voilà, et en même temps une forme de maîtrise, de sophistication, assez classique, voilà, pour le groupe. Donc c'est une chanson que je connais depuis que j'ai 15 ans en fait, que j'écoute, alors pas tous les jours non plus, mais quand même régulièrement. Et ça a pas plus de 2-3 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est, enfin, j'ai compris un truc. Alors c'est bon dans ces moments-là. Ouais, c'est bon. Alors je vais pas le dévoiler. Je te laisse étendre l'oreille parce que je sais pas si tu as conscience de ça. En fait, la chanson elle est tout simple. Hein, Denis, I got a crush on you, I'm so in love with you, tout ça. Bon. Oui, les bon. Paroles, c'est pas la peine d'avoir c'est pas crypté, une maîtrise en anglais pour comprendre. Du moins le début. Et je m'étais jamais posé la question pourquoi je ne comprenais rien au deuxième couplet. Ah. Tends l'oreille sur le deuxième couplet. Ah oui, mais moi et tu vas me dire en anglais, ça va si tu comprends, si tu captes la surprise. Et évidemment, je révélerai le poteau rose après. D'accord. Mais j'ai mis 30 ans à me rendre compte. Oh, putain, moi j'ai 30 secondes et toi t'as eu 30 ans. Foiré. Bon, c'est parti. I'm Alors, décidément. Ça chante en français. Ça chante en français. Si je te l'avais pas dit, t'aurais jamais trouvé. J'ai tendu l'oreille. Ouais, j'ai mis des années. Un jour, en écoutant, j'ai dit, tiens, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'est Baragouine? J'ai l'impression d'avoir entendu Embrasse-moi ce soir. Bon sang, mais c'est bien sûr. Avec des jolies paroles, Embrasse-moi ce soir pour un baiser d'éternité. Pour un baiser d'éternité, c'est craquant quand même. Ouais. Donc ça se trouve, elle a une histoire avec Denis Podalydès. Bah, un français, forcément, il faut chercher un Denis. Alors, mon deuxième prénom, c'est Denis, hein. Je dis que ça, mais. T'avais 2 ans. En 78, j'avais 3 ans. T'avais 3 ans. C'était peut-être pas ça. Et moi, j'ai toujours cru que c'était une reprise, ce morceau. Par Blondie. Non, c'est eux qui l'ont. Ah, d'accord, je pensais que c'était une reprise. Non. Et eh ben, effectivement, c'est. On dirait un classique, ça sonne comme un classique. Ouais, bien sûr. Bah, c'est le côté bubblegum. Ils la font très bien. Un très bon choix, très bonne surprise. Mm. Bon, qui m'a pas surpris beaucoup, parce que j'ai l'oreille aiguisée. Ouais. Eh oui. À moi de faire un petit morceau surprise. Alors là, c'est carrément un album surprise que j'ai découvert. Je crois que je t'en ai parlé. Je sais pas si je t'en ai parlé. J'ai découvert ça il y a 3 mois. Pareil, je ne connaissais pas. Donc, c'est l'album de quelqu'un qui s'appelle MacGyr. Mac comme McCartney, G-E-A-R. Tu connais? T'as déjà entendu parler? Pas du tout. Alors, il se trouve que cet album est sorti en 1975. Il a sorti un seul album. Et cet album, si on l'écoute comme ça, on se dit, c'est assez génial. Alors, 75, avec le son de 75. Mais alors, soit il manque un truc, soit il y a des trucs en plus. Il y a un truc, c'est bancal, quoi. Et en fait, alors le monsieur, c'est pas qu'il a qu'une jambe, hein, c'est pas ça le truc, mais MacGyr, c'est un pseudo, et en fait, c'est le frère de Paul McCartney. Ah mais oui, tu m'en as parlé une fois du frère. Qui a sorti cet album. Ouais. Et alors, c'est pas marqué qu'il s'appelle McCartney, tout ça, et c'est McCartney et Paul, son petit frère, qui compose l'intégralité de l'album, qui joue sur l'intégralité de l'album, qui fait les chœurs sur l'intégralité de l'album, à un moment où c'est son top des années 70, c'est-à-dire qu'il vient de former vraiment les Wings avec le son Wings qu'on va connaître sur l'album Band on the Run. Alors c'est le son de 75 des Wings, hein, vous attendez pas à voir les Beatles de 69 de tout à l'heure, mais tout l'album est super audacieux, merveilleux. Il y a qu'un truc, c'est que le gars chante comme son frère. On sent que le frère l'a coaché dans toutes les trucs, il chante dans tous les sens, en bas, en haut, écorché, tout ça, sauf qu'il fait 3 fois moins bien que son frangin. Donc on imagine quel album ça aurait été si ça avait été Paul McCartney qu'on entend dans les chœurs mais qui ne chante pas devant. Mais c'est un album assez fascinant quand même, et à le réécouter maintenant, on peut se dire que c'est peut-être le meilleur album des Wings, ou un des meilleurs albums des Wings, alors qu'il n'est pas sorti sous ce nom-là. C'est incroyable quand même. Alors je vais passer le morceau, je crois qu'il ouvre l'album. Alors là, ça sort, le grand orchestre, ça, c'est un peu grandiloquent, c'est les années 70, quoi. Mais y a de la compo derrière, et puis cet album, je te conseille de poser une oreille dessus, si tu n'as pas peur de la grandiloquence. C'est parti. Thank you. Oui. Eh oui. Ah bah oui, c'est fallait y ah, être. C'est étrange parce qu'il y a le timbre McCartney. C'est exactement ça. Mais il manque quand même des choses. Bah il manque 2-3 cordes vocales quoi, 2-3 trucs, il manque des trucs. Alors l'album est assez fascinant parce qu'il est très très varié, il y a des alors ça c'est le truc machin qui est Space Oddity quoi, mais il y a des choses plus ramassées et à chaque fois il chante vraiment comme McCartney mais moins bien. C'est vrai. C'est effectivement. Ça. C'est exactement d'accord. Ça. Donc c'était une surprise. Eh bon. Ben, quelle surprise, ouais. Alors moi j'avais aussi une surprise rigolote, mais que je la garde pour plus tard du coup. Ah, ouais, oui. Ouais, quand même pour plus tard. Quoique celui-ci, après tout, on peut rigoler aussi. On peut rigoler. Les Strokes. Ah, d'accord. Ah, évidemment, ça fait longtemps que j'ai pas diffusé un morceau des Strokes, oui. Mais j'adore tellement ce groupe que fallait bien en passer par eux. Avec leur troisième album qui m'a laissé une drôle d'impression, moi, quand je l'ai écouté. Alors les Strokes, apparu au tout début des années 2000 dans ce format très concis, efficace. Le retour du rock'n'roll. Le retour du rock'n'roll, les mecs cool qui sortent des chansons super de 3 minutes ou même moins. Voilà, avec deux disques très très cohérents quoi. Très mono assez monochrome. Et puis un troisième disque, je sais plus, qui est peut-être de 2006, je crois, où du coup, bah, il fallait peut-être jouer un peu un nouveau truc, diversifier un petit peu, beaucoup plus long. Jouer la surprise. Jouer la surprise, plus diversifié, le traitement de la voix un peu différent, pas forcément toujours tout saturé, bon. Bon, c'est un disque qui m'a laissé une drôle d'impression, en particulier en raison de ce morceau, First Impression of Earth. Avec ce solo de guitare qui arrive comme un cheveu sur la soupe, où pour le coup, les Strokes allaient dans un territoire qu'on n'aurait pas supposé pour eux, c'est-à-dire la pignolade de guitare. Alors c'est des bons musiciens, hein, y a pas de doute, hein, enfin dès les débuts, voilà. Mais alors là, ils se lâchaient les gars, quoi, avec un solo sorti de nulle part. Enfin voilà, c'est la surprise. Le petit caramel. On sait le faire. On sait le faire. Donc on le fait. On le fait. On le fait. Était-ce bien nécessaire? Je sais pas. Après, c'est, voilà. Est-ce que c'est une faute de goût ou bah voilà, juste une diversification pleinement assumée? Je ne sais pas. Moi, ça m'a laissé une impression mitigée. Tu vois, c'est je me souviens pas bien de cet album. Moi, j'ai peu aimé le premier, puis après j'ai un peu lâché le truc. Ah ouais. Ouais. Ouais, mais je me souviens pas bien. Je l'aimais bien. Aussi, hein. Ouais. Ouais. Bon, bah c'est voilà. Parti, nous allons juger ce petit solo sur pièce. Geste signifie tu peux baisser. Mais oui, parce que du coup sur ce disque, il faisait des chansons peut-être un peu trop longues. Oui. Par rapport à l'efficacité. Et c'est vrai que le solo est un peu surprenant. Bizarre. Hein, un peu comme si Dick Dale avait fait des enfants avec Van Halen. Oui, exactement. Ou ou simplement les Strokes qu'on écoutait aussi AC/DC. C'est ça. C'est ouais. Ça. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Bon, on en reparlera d'AC/DC, mais alors là, on va vraiment être dans l'émission ce soir On The Rocks, qui est une émission surprise, surprise, Kinder Surprise, mon chéri. En tout cas, c'est bonbon auditif avec une petite surprise à l'intérieur. On va vraiment être loin, loin, loin d'AC/DC. On y reviendra peut-être un peu tout à l'heure. Avec ce morceau, alors, 1962. Là, on est vraiment dans le jazz, et le jazz de ce qu'il a de plus pur, voilà. Très très bel album de jazz, bien polissé, y a rien qui dépasse mais qui met des petits frissons quand même par-ci par-là, enregistré à New York, et enregistré par Quincy Jones, c'est lui qui est aux manettes, et généralement il s'entoure pas de berlot, quoi, Quincy Jones. Et donc c'est une chanteuse qui chante, tu sais, tu connais ? Non. J'ai ma petite idée. Ah mince. C'est un blind test. Oui, c'est un blind test. Une chanteuse qu'on a connue en France après, dans un autre registre. Mais alors. Ah, je t'ai eu là. Ah, ça me plaît pas. Ah. Bon, bah, l'effet de surprise est raté. Bon, on va laisser jouer les auditeurs et les auditrices. Donc, le morceau s'appelle, je suis déçu, elle s'appelle Almost Like Being in Love. Écoutez-moi cette voix quand même. Bon, la production, forcément. Et puis ses lunettes aussi. Et puis, écoutez-moi ses lunettes. Putain, merde, moi, j'ai raté mon coup. C'est parti. C'est produit par Quincy Jones. Je vous dis pas qui chante. 1962, je vous le dirai après. What a day this has been, what a rare mood I'm in, why it's almost like being thank you. je te laisse désannoncer parce que je suis dépité. C'était vraiment le clou du spectacle. Ouais, ouais, ça me donne envie de manger de la feta et des brochettes d'agneau en buvant 12 eaux, en tout cas. D'accord. C'était Nana. Mais oui, c'est Nana Mouskouri. Ouais. Incroyable. Ah, c'est dingue. Hein. Alors, comment tu savais ça? Tu l'as su? Je l'ai su il y a longtemps. Et c'est drôle, on en a parlé il y a pas, pour le coup, il y a pas longtemps avec Arnaud quand on enregistrait la batterie. Okay. Je sais pas comment on en est venu là à parler des débuts de Nana Mouskouri comme chanteuse de jazz à New York. Oui. Incroyable. Très belle voix. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Voilà, Nana Mouskouri, donc, dingue, hein. Sous la houlette de Quincy Jones. Voilà, et depuis, elle est devenue eurodéputée. Ah, bah ça, je savais pas. Enfin, elle est plus maintenant, elle a 90 ans. Elle est... 90 ans, ouais. Ouais, oui, le temps passe. Peut danser un slow avec Ringo Starr. Ouais. Ce soir, dans On The Rock, c'est surprise, surprise, un peu éventé pour le coup sur celle-là. Et donc, c'est Sylvain Trémaud des Secret Fever qui est là et qui va me faire une petite surprise. On va rire un peu, je crois. Rions. Rions. Alors, pour ce spécial surprise, j'avais en tête un style américain en particulier, puis un artiste en particulier qui officiait dans ce style. Et le nom de cet artiste m'a échappé, mais revenu entre temps. Il s'agit de Jimmy Rogers. Mais c'est pas à lui qu'on va passer. D'accord. Jimmy Rogers, c'est un grand nom de la musique américaine de l'entre-deux-guerres. C'est à la fois du folk très européen et avec du blues et avec un élément vocal pour le coup européen que je vais pas dévoiler tout de suite, qu'on retrouve dans la tambouille du groupe que pour le coup j'ai trouvé, parce qu'en faisant ma petite recherche du coup je suis tombé sur ce groupe là que je ne connaissais pas. Okay. Qui a eu son petit succès dans les années 70 dans un registre un peu prog rock, hard rock, enfin voilà, le morceau qu'on va écouter est très fait penser à beaucoup à Deep Purple dans les guitares. Okay. Il s'agit du groupe Focus. Ah, je ne connais point. J'ai découvert ça, un groupe hollandais apparemment. Est-ce qu'on peut survivre sans le connaître? Je pense, oui. Je pense, et en même temps, c'est un groupe qui a traversé le temps. Alors, qui s'est séparé, qui s'est reformé il y a eu plus d'une vingtaine d'années, qui continue, qui doit avoir ses aficionados. C'est le morceau qu'on a écouté a été un tube quand même, faut se le dire. Un tube où? Un tube dans le monde entier. Ah oui. Ou enfin dans certaines personnes, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est leur grand moment de gloire. D'accord. Ça, c'est là ce qu'on va entendre, c'est leur moment de gloire. C'est leur moment de gloire. Avec, une base de morceaux honnêtes. Voilà, ça joue, hein, comme oui, on dit. Tout à fait. Alors, le principe est simple. Des parties instrumentales, tout en guitare et tout ça. Et des parties, comment dire, plus axées sur la voix. Et la surprise vient de la voix, plutôt. Et c'est là qu'arrive la surprise. Voilà. Je m'attends au pire. Bon, c'est parti. C'est parti. Je suis pas sûr. Si, allez, on lance. Si. Très bien. Ah, c'est bien. Ah, c'est très très bien. Ah, oui. Bah ouais. Ça groove. Ça groove et ça joue. Ouais. We'll be right back. Oh, la vache. Voilà. Néerlandais. Donc, je savais bien que le yodel pouvait cohabiter avec, j'avoue bien avec d'autres formes de musique. Mais il n'y a pas que du yodel. Il n'y a pas que du yodel. Il y a pire, c'est ça qui est pire. Ouais. Ah putain, le casting. Eh oui. Qu'est-ce qui s'est passé le jour du casting? Alors normalement, c'était le frère de Paul McCartney qui devait venir, McGear, mais il était pris sur son projet. Il chantait trop bien. Voilà. Et alors, je veux savoir, est-ce que tout est comme ça ou est-ce qu'il y a juste ce morceau? Non, tout n'est pas comme ça. Après, je t'avoue que j'ai pas creusé les détails non plus de la discographie. J'ai bien peur qu'il y ait de gros écarts comme ça. Ah la vache. Disséminés à droite à gauche. Ah, ça, c'était très très bien ça. Ouais. Ah oui, sacrée surprise. Voilà. T'attendais pas ça. Ah là, c'est deux points d'emblée là. Ouh, ça c'était bien. Le yodel, donc néerlandais. Ouais. Ah putain. Jimmy Rogers, ça a plus de tenue quand même. Hein. Ouais. On sent qu'il se lâche pas mal. L'intérêt culturel, c'est quand même plus de valeur, je trouve. Ah la vache. Ouais. D'accord. Bien. Donc le groupe, si vous voulez vous plonger, ça s'appelle Focus avec Hocus Pocus. Voilà. Ah oui, là, ça m'a chopé. C'était très bien. Alors, maintenant, moi, je vais paraître un peu rigolo avec mon truc, mais bon, ça, tu dois connaître. Alors, on parlait d'ACDC. Il y a eu plein de groupes un peu ersatz d'ACDC qui faisaient du ACDC. Ça, c'en est un. Ça sonne plutôt pas mal, d'ailleurs, comme du ACDC. C'est un groupe qui s'appelle Jackyl, groupe américain. Je sais pas si tu connais ce morceau. Non. The Lumberjack. Alors, ça, c'est vraiment leur tube. Parce qu'il y a une spécificité, dans ce morceau. C'est que le chanteur a voulu faire un solo. Ouais. Mais il est que chanteur. Solo de voix. Alors bah non, il fait pas du yodel, rassure-moi. Non. Alors donc il a voulu faire un solo, c'est pas sa voix. Ouais. Il s'est dit de quoi je pourrais faire un solo. Ouais. Et il a décidé de faire un solo de. écoute, je vous laisse écouter le morceau. D'accord. Et vous allez deviner avec quoi il fait un avec solo. Avec son corps ou... Non, rien à voir avec ce que tu pourrais penser. puisqu'on parle d'ACDC, j'ai relu un truc d'Angus Young qui a quand même pas mal d'humour. Un jour, il a déclaré, il a dit « J'en ai assez d'entendre les gens dire qu'on a sorti 11 albums qui sonnent tous pareils. Ah. » C'est pas vrai. La vérité, c'est qu'on a sorti 12 albums qui sonnent tous pareils. Elle est bien. Voilà, vous allez vite comprendre parce qu'il se prépare pour son solo dès le début du morceau. D'accord. Donc vous allez tout de suite comprendre. Ça réclame un entraînement. Voilà, Jackyl, The Lumberjack. Ah. du Rocky et la guerre. C'est là qu'on voit que c'est un grand groupe, parce que c'est une école, en fait. C'est une école. Ouais. Oui, bah ils ont un son ouais, qui ne leur appartient. Ouais. Voilà. Mais ils ont pas de solo. Ils ont un solo de cornemuse sur un de leurs morceaux, mais ils ont pas de solo de tronçonneuse. Non. Alors je me suis posé la question au début, tronçonneuse ou mobilette? Tronçonneuse. Oui, ouais. Il est sur scène, hein, tout ça, tronçonneuse et sans trucage, hein. Sans trucage. Ah non, tout ouais, bien fait. Mais à c'est la pas mal parce qu'il y a des variations de tonalité, tout oui. ça suit. Oui, c'est ça. Ça suit les accords. Hein. C'est con, mais c'est bon. C'est surtout très con. C'est surtout très con. Ils sont connus que pour ce morceau, du coup. Il y a tellement qu'ils sont pas connus. Mais si je pouvais être connu, je serais content, hein, comme ça ou autre chose. Un petit coup de yodel et puis. Ouais, ouais. Bon, c'est parti. Il nous reste 25 minutes et bon, c'est là, toujours l'émission surprise. Ouais, avec un truc sérieux là pour le coup, qui donne moi qui me donne des frissons. Ah. Otis Redding. Ah oui. À Monterrey, donc on est en 67, c'est finalement la fin de la carrière d'Otis Redding, parce que le malheureux décédera. En même temps, ça a pas duré très longtemps. Assez rapidement après, avec une ouverture sur le grand public pop rock, voilà, ouais. Au-delà du circuit soul, avec une revue qui est au cordeau, d'une efficacité redoutable. Et une voix sans pareil. Une voix, bien sûr. Un showman exceptionnel. Oui. Et dans ce morceau. Des très beaux costumes. Un costume vert, je crois, ce soir-là. Oui. Et, ce morceau, donc un des classiques de Otis Redding, I've Been Loving You Too Long, il y a ce qu'on appelle un gimmick. Alors, un gimmick, c'est un truc qui revient, ou une figure de style, un truc comme ça, qu'on met pour assaisonner un morceau, qu'on peut mettre à différentes sauces. Une tronçonneuse, ou alors ça peut être une façon de jouer empruntée à un cador, ou ça peut être un gimmick scénique, ça peut être un gimmick musical. Et alors c'est un peu à double tranchant, un gimmick, parce que faut l'assumer, faut que ça peut tomber à plat ou enfin oui. Voilà. Bon là ça tombe pas à plat parce que c'est quand même un champion du monde de la scène avec un truc qui galvanise. Alors ce gimmick en question, c'est le fameux do it one more time, qui est classique dans ça peut faire un peu éculer, mais la manière dont il l'amène. Et donc surtout ça se répète, enfin, voilà, c'est la cerise sur le gâteau qui est déjà très très bon. Et enfin voilà, ça me fait hérisser les poils. Je sais pas si c'était travaillé comme des choses pouvaient se travailler dans ce registre-là, comme James Brown où c'est très calculé. Cadré. Enfin voilà, ou si c'est venu spontanément parce que ce que faisaient les musiciens plaisait, puis voilà, je sais pas, c'est peut-être un peu de, j'en sais rien. Enfin en tout cas voilà, ce gimmick, cette surprise pour le coup. Ah ça, alors pourquoi c'est une surprise? Ah bah parce que ça accueille l'auditoire en fait. Et on voit la réaction du public qui est, enfin c'est galvanisant quoi. C'est-à-dire que putain, il y a un effet de répétition en fait. C'est pas juste le one more time classique hein où on l'en fait. Non, enfin tu vas voir, ça arrive à un moment où tu t'attends pas forcément, où ça te cueille, et puis dans la manière dont ça insiste, elle est là la surprise, dans cet effet de répétition aussi. Voilà. Bon, c'est parti. Eh ben Otis Redding, ça fait du bien de réécouter sa voix en tout cas, quelle que soit la surprise. I've been loving you too long to stop now. You were there and you want to be free. My love is growing stronger as you become a habit to me. I've been loving you, oh, too long, and I don't want to stop now. Oh. Can you do that one more time there? Just like that. Oh. Do it just one more time. One more. So wonderful, I can't stop now. You are power, and your love is time as our fair grows old. Ooh, I'm loving you. Oh, too long. And I don't want to stop now. No, no, no. I've been loving you just a little bit too long. And I don't want to stop now. No, no, no. And don't make me stop now. Oh, have mercy. No, babe, I'm down on my knees. Please don't make me stop now, yeah. I love you, I love you, I love you with all my heart. And I can't stop now. Please, please, please, yeah. Don't make me stop now, yeah, yeah, yeah. I got love with heart and soul, I love you. I love you, good God Almighty, I love you, baby, I love you, honey, good God Almighty, good God Almighty, I love you. Allez. Alors, on s'attend pas. Ah, c'est vrai, c'est vrai, on s'y attend pas, c'est vrai, c'est une surprise. Expert en mayonnaise sexuelle, c'est une mayonnaise sexuelle, ça monte quand même là, c'est sexuel quand même ce passage-là, on est d'accord. Oui, c'est la soul, faut bien. Faut c'est bien la soul, ça. C'est ça, on est d'accord, on y est. Ouais, ouais. Très beau, mais merci, très très beau moment. Il y a des images qui vont avec. Oui, oui, oui, oui, la séquence est visible sur YouTube. Ouais, ben je vais m'empresser d'aller, ouais. Je crois que j'ai jamais vu cette ouais. séquence. Encore une séquence un peu connue. Alors cette fois, là, on était dans l'émotion pure. Là, on va être un peu dans le, à la fois le drôle et le pathétique. C'est Elvis Presley, 1969. On est à Las Vegas, puisqu'il est enfermé dans sa cage dorée de Las Vegas, où il donne concert sur concert sur concert pendant des années et des années, enfermé par le colonel Parker dans cet enfer. Et donc, il attaque son, tu connais ce morceau, où il se marre. Ouais. Are You Lonesome Tonight, ouais. Et où il a un fou rire et il s'en remet pas du morceau, alors qu'il y a un morceau qui normalement est pathétique et est vraiment vibrant. Et moi j'ai toujours cru quand j'écoutais ce morceau qu'il a un fou rire parce qu'il y a une choriste derrière qui vocalise mais qui est ridicule en fait quoi. Et en fait non, pas du tout. J'ai creusé un petit peu, c'est pas ça. En fait, au moment d'attaquer les paroles qui dit Do you gaze at your doorstep and picture me there? Il regarde le devant de la scène et il jouait plus là devant des jeunes femmes et pleurer qui hurlaient. Il jouait devant des mémères avec des bagouses et puis des papis avec des moumoutes. Avec des processions devant la scène. C'est ça. Ouais. Et là, il y avait un papy avec, enfin, papy, un mec, voilà, en bagousé sur le devant de la scène qui avait du mal à remettre sa perruque. Il perdait ses cheveux, quoi. Et donc, Elvis le voit et au moment d'attaquer le couplet, cette phrase-là, il la change, il improvise et il dit, Do you gaze at your bald head and wish you had hair. Ça veut dire, bah, tu regardes ta boule de billard, puis t'aimerais bien avoir des cheveux, quoi. Et donc, il est content de sa connerie. Ben, il y a de quoi. Et voilà. Et donc, il se marre, il s'en remet jamais jusqu'à la fin du morceau. Ouais. Il essaye, à des moments, de reprendre sa voix, un peu de crooner, puis il repart. Ouais. Et ce qui est très drôle, c'est que la nana continue à vocaliser derrière de façon ridicule. Donc, on est bien à Las Vegas, là. C'est assez pathétique dans l'orchestration derrière, la vocalise, tout ça. Ouais. Et c'est Elvis quand même, quoi. Bon. Et en 69, c'est pas encore la loose totale. Donc voilà, c'est un peu le tournant, là. Ça s'appelle Are You Lonesome Tonight Laughing. Vous allez comprendre pourquoi. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? I do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Is your heart filled with pain? Shall I come back? Tell me, dear, are you lost? Oh, Lord, Lord. I wonder. You know, someone said, the world's a stage and each must play a part. Oh, God. Oh, man, I'll tell you. Ooh, Lord. And I had no cause to die. Swing it, baby. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Oui. Un peu drôle, mais un peu triste aussi. Ouais, oh, ça va, c'est bon. Ça va encore. Oui, oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais. Bon. C'est vrai que ça roucoule, hein. Ouh là là. Compliqué, hein. Ouais. C'est compliqué. Ouais. Bon, ce soir, bon, on a encore qu'un petit quart d'heure là. C'est, Le quart d'heure de la mort. Le quart d'heure de la mort, de surprise, surprise. J'ai un morceau extraordinaire, mais qu'est long. 7 minutes, plus de 7 minutes. C'est pas grave, ça. Un petit groupe qui s'appelle les Rolling Stones. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est. Tu me feras comme ça, Ouais. Ah non, celui-là, on peut pas le couper. Ah, bah, ouais, bah, c'est pas grave. On c'est a le temps. Grave. On a bon. Le temps. Can't You Hear Me Knocking, c'est le titre de cette chanson. Can't You Hear Me Knocking. Ouais. Ouais, qui est un classique. Alors, qui est pas si connu que ça, mais pour les gens qui s'intéressent aux Rolling Stones, c'est forcément une chanson qu'on repère dès la première écoute. Parce que il y a cette surprise, au milieu. C'est-à-dire que ça commence comme un morceau classique des Rolling Stones. Donc, on est en 71. C'est l'album Sticky Fingers. Donc, c'est l'acmé du groupe, hein. Ouais. Avec Mick Taylor, qui a rejoint le groupe 2 ans avant. Il y a ce riff énorme de Keith Richards avec ce son barbelé, enfin voilà. Mick Taylor sur la première partie de la chanson fait un peu plus que de la fuite. Ouais, il est en retrait, on va dire. C'est vraiment le duo Jagger Richards qui mène toute la première partie de la chanson et d'un coup, paf, on passe dans une autre dimension où Mick Taylor prend un peu le pouvoir avec Bobby Keys au saxophone. On arrive dans un terrain complètement surprenant pour le coup et inédit pour les Rolling Stones. Un peu de jazzy, latino-jazzy, ça fait penser un peu à Santana. Mmh. Il paraîtrait que cette séquence aurait été improvisée comme ça pendant l'enregistrement. J'ai peine à le croire quand même. Je pense qu'ils se sont mis un petit peu d'accord à un moment donné. Peut-être que c'est venu comme ça en répétouillant. Dit tiens, c'est, voilà. Ouais, mais c'est ça, pas une, ça c'est peut, pas une prise quoi. C'est pas une prise. Mais de l'avoir enregistré comme ça avec tout le monde qui suit, qui change au bon moment, j'ai un doute. Voilà. Donc c'est vraiment en deux parties et puis c'est la fin est incroyable. Ça. On voyage quoi. On voyage. Oh, voilà. C'est parti. Donc merci Mick. Ouais. Bah merci Mick hein, quand même dans les Stones. Pour moi, merci Mick dans les Stones. Mick Taylor. Ah ouais. Ouais. Bah bien sûr, il a. Ah ouais. Ouais. Pour moi, il a apporté un truc. Une pierre importante à l'édifice. Ouais. Ouais. C'est parti. C'est les Stones. Yeah! Ah oui, quel morceau, hein. Incroyable, hein. Incroyable. Et je me disais, en écoutant surtout le démarrage, on remplace le saxo de Bobby par l'orgue de Ray. Ça ferait pratiquement des Doors, là, un petit peu. C'est un peu Doorsien, ouais, ce passage. Ouais, un peu de ça, ouais. Après, il y a ce groove poisseux. La guitare sonne un peu comme la guitare des Doors. Ouais, ouais, ouais, c'est vrai. Un peu. Côté planant, un peu, ouais. Grand morceau, puis grand album, hein, voilà. Ouais. On est d'accord. Ce soir, c'est surprise, surprise. Il reste 5 minutes. Moi, le mien, il va être très court, donc t'auras peut-être le droit à une petite cartouche derrière, 1 minute 46. Parce que des fois, la surprise, c'est la mort. Ah mince. Malheureusement. Et donc là, ça va être le cas, puisque c'est Janis Joplin, 1971, album posthume, donc sorti après sa mort. Pearl, chef-d'œuvre de Janis Joplin, qui, vous le savez, les fidèles d'On the Rocks, je ne peux pas me passer de Janis Joplin et de sa voix. Eh bien, elle a enregistré ce morceau qu'elle a composé elle-même et qu'elle chante a cappella dans les studios, qui s'appelle Mercedes-Benz, vous le connaissez tous. Elle chante, elle dit « Everybody » à la fin. Alors, est-ce que c'est une blague parce qu'elle est toute seule, ou est-ce qu'elle prépare déjà le fait qu'il va y avoir des chœurs derrière, puisqu'ils étaient censés mettre une musique derrière, un désarrangement, et elle est morte 3 jours après avoir enregistré, c'est le dernier morceau qu'elle a enregistré, elle est morte 3 jours après, elle n'a jamais donc entendu ce que ça pouvait donner, et ils n'ont pas, alors il y a un morceau instrumental sur lequel elle devait mettre une voix qui est restée instrumentale sur l'album, et il y a ce morceau a cappella sur lequel ils devaient mettre des instruments, et ils ont préféré le laisser comme ça, ce qui est une très très très bonne idée, parce qu'ils auraient pu balancer tout ce qu'ils avaient prévu, et donc c'est un morceau qui à la fois est drôle parce qu'elle est toute seule et elle a cette espèce de rire de sorcière à la fin, et elle nous laisse avec ce rire-là, hein. Ça sera la dernière chose qu'on entendra d'elle, et en même temps c'est un petit peu triste quand même, hein. Et oui. Et oui. Donc c'est parti, Janis Joplin, Mercedes-Benz. La surprise, c'est que c'est le dernier morceau et que le reste n'aura pas lieu. I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing for dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? That's it. Voilà, c'était Janis Joplin, 1971. Ça va être le générique de fin, ton petit choix, mon cher Sylvain. Eh ben, une surprise en forme de Madeleine de Proust pour les gens de notre génération, qui était une surprise quand ça passait à la télé à l'époque. Ah oui, Love Is All. Mais oui, ce dessin animé avec le bassiste de Deep Purple. Ouais, le crapaud qui joue de la guitare. Oui. Et en fait, ça tombait par surprise quand il y avait Il y avait souvent des problèmes techniques. Ouais. On connaissait par cœur le morceau. Ouais. Et morceau surprise aussi parce qu'au milieu, alors morceau très rock, une espèce de balade assez Beatles d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Avec une valse au milieu, une espèce de menuet valse, ouais, surprise. Et bon morceau. Ouais, voilà. Oui, très bon morceau même. Très bon morceau. Et donc ce John Generation, quand ils vont entendre ça, ils vont revoir toutes les images dans l'ordre. Parce qu'on les connaît par cœur quand même, les lucioles, les machins, les trucs. Ouais. Merci beaucoup Monsieur Sylvain. Eh bien merci à toi. C'est l'heure, Rémi est derrière, il trépigne, ça fera office d'installation de Rémi et de générique de fin. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une émission lambda avec des petits morceaux que je vous concocte. Et puis il y aura un quiz qui viendra, ça sera le 3 février et vivement la prochaine battle. Avec plaisir. Et peut-être le prochain quiz pour toi. Oui. Hein? Oui. Il y a déjà Mathieu Ballon qui est inscrit. Hop. Il y en a déjà un. Allez hop. C'est parti, je te donne la date. Merci beaucoup pour ces surprises. À bientôt, je vous laisse avec Rémi et la rédaction du sport.